بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le mont. وكتاب مسطور. Par un livre écrit. في رق منشور. Sur un parchemin que l'on déplie. والبيت المعمور. Par la maison emplie d'adorateurs. والسقف المرفوع. Par la voûte bien haute. والبحر المسجور. Et par la mer embrasée. إن عذاب ربك لواقع. Le supplice de ton Seigneur s'accomplira sans nul doute. ما له من دافع. Rien ne pourra le repousser. يوم تمور السماء مورا. Le jour où le ciel se mettra à tournoyer intensément. وتسير الجبال سيرا. Et les montagnes se mettront réellement en mouvement. فويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là aux négateurs obstinés. الذين هم في خوض يلعبون. Qui se complaisent dans de vaines paroles. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. Ce jour-là, ils seront précipités dans le feu de la Géhenne. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Voici le feu que vous teniez pour un mensonge. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. Est-ce donc de la magie ou ne voyez-vous pas clair ? إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Entrez-y et brûlez. Que vous le supportiez ou que vous ne le supportiez pas, la chose sera pour vous égale. Vous n'êtes rétribué que pour ce que vous faisiez. Les gens pieux seront dans des jardins, au milieu des délices. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. Y jouissant de ce que leur Seigneur leur aura accordé, et heureux que leur Seigneur les ait préservés du supplice de la fournaise. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Mangez et buvez en paix, c'est là le prix de vos œuvres. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Ils seront accoudés sur des lits bien disposés. Et nous leur donnerons comme épouse des houris aux grands yeux noirs. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Ceux qui ont cru puis ont été suivis dans la foi par leur progéniture, nous les ferons rejoindre par leur descendance, sans rien diminuer du mérite de leurs œuvres, chaque individu devant répondre de ce qu'il aura accompli. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. Nous leur donnerons à profusion les fruits et les viandes dont ils auront envie. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. Ils y feront tourner entre eux une coupe de vin, qui n'est la cause ni de propos futiles, ni n'induit au péché. De jeunes serviteurs à leurs ordres circuleront entre eux, tels des perles soigneusement conservées dans leurs coquillages. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Ils s'élanceront les uns vers les autres en s'interrogeant. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Quand nous étions autrefois parmi les nôtres, nous redoutions le châtiment d'Allah. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Allah nous a donc fait grâce en nous épargnant le tourment de As-Samum. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. C'est lui que nous invoquions autrefois, car c'est lui le bienfaiteur, le tout miséricordieux. Adresse-leur donc un rappel, car par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni devin ni fou. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ. Or, s'ils disent, c'est un poète. Attendons que la mort vienne l'emporter, lui et son message. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. Réponds-leur, attendez donc, je serai avec vous à attendre. Serait-ce leur raison qu'il leur ordonne de telles allégations? Ou bien sont-ils des gens enclins à la démesure? بل لا يؤمنون. Ou alors diront-ils, c'est lui qui l'a inventé. Or, ce sont eux qui n'y croient pas. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Qu'ils apportent donc un discours qui lui soit semblable, si ce qu'ils disent est vrai. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs? أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Ou ont-ils eux-mêmes créé les cieux et la terre? Non, ils n'ont aucune certitude. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ. Détiendrait-il les trésors de ton Seigneur? seraient-ils, eux, les maîtres dominateurs ? أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ Aurait-il une échelle depuis laquelle ils écouteraient les entretiens célestes ? Que celui qui, parmi eux, est là à écouter, apporte donc une évidente preuve d'autorité. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ Allah aurait donc les filles, alors que vous les fils. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Leur réclamerait une récompense dont ils seraient lourdement obérés. أَمْ عندهم الغيب فهم يكتبون Disposeraient-ils des clés de l'inconnaissable, غيب, dont ils pourraient consigner par écrit les secrets أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون Ou chercheraient-ils à tramer des intrigues Les mécréants seront alors les victimes de leurs propres intrigues. أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ Aurait-il une divinité autre qu'Allah ? Gloire soit rendue à Allah, il est bien plus haut que tout ce qui lui associe. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ Quand bien même ils verraient choir des pans du ciel, ils diraient « Ce ne sont là que nuages amoncelés ». فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ Laisse-les donc attendre leur jour, où ils seront foudroyés. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ Le jour où leurs intrigues ne leur seront utiles en rien et où ils n'auront aucun secours. Ceux qui auront commis des injustices auront à subir un supplice avancé. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ Prends donc en patience le jugement de ton Seigneur, car nous t'avons sous nos yeux. Rends gloire à ton Seigneur et célèbre ses louanges en te levant. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ Et glorifie-le durant une bonne partie de la nuit et quand déclinent les étoiles.